La filière. Une enquête de Philippe Sands. Écrite et racontée par Philippe Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philippe Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. À Rome, Otto Wächter a retrouvé son vieux camarade, Karl Haas, chez qui il a déjeuné peu avant sa mort. Or, celui-ci était peut-être un agent double à la solde des Russes et des Américains. Otto a-t-il été la cible de l'un ou l'autre des services d'espionnage alors qu'il était recherché pour crimes de guerre? 9e épisode, agent double et double vie. En 1949, le quadrillage en zone d'occupation établie à Yalta par les vainqueurs, Churchill, Roosevelt et Staline, n'existe plus ou presque. L'Allemagne de l'Ouest a désormais une constitution et un chancelier, Konrad Adenauer. L'Allemagne de l'Est et la Pologne sont des dictatures en parfait ordre de marche. Seule l'Autriche, qui ne sera indépendante qu'en 1955, reste administrée par les Français, les Américains, les Anglais et les Soviétiques. Les uns comme les autres se retrouvent face à face, de part et d'autre du rideau de fer, avec un même problème, la pénurie d'espions. Les hommes comme Otto Wächter sont des recrues de grande valeur, parfaitement à l'aise dans des organisations qui cultivent le goût du secret, polyglottes, sans état d'âme. Ce sont eux, les petites mains de la guerre froide. Je m'appelle Philippe Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. À la libération, les États-Unis se retrouvent à administrer de vastes zones occupées, en Allemagne et en Autriche, à Berlin et à Vienne. Thomas Lucid est un officier du New Jersey, 30 ans, avocat de formation, marié, qui vient de participer à la campagne militaire en Italie. Il est posté en Autriche. Son job consiste à recruter des nazis, à transformer les anciens bourreaux du Troisième Reich en agents secrets du Nouveau Monde. Des documents récemment déclassifiés indiquent que l'armée américaine, le contre-espionnage et la CIA, que Thomas Lucid, à la même époque, contribue à fonder, ont fait travailler plus de 1000 nazis. Logiquement, notre espion Thomas Lucid se rend donc, pendant l'été 45, à Bolzano, une station alpine de l'Italie germanophile, où se trouve un très grand nombre d'anciens nazis. C'est là qu'il a une aventure avec sa secrétaire et que naît son fils illégitime, Victor. Le moment est venu d'appeler Victor. Vous m'entendez, monsieur? Oui, maintenant oui. Ok, très bien. Je suis, alors je m'appelle Philippe Sands, je suis professeur à l'Université de Londres. Oui. Victor Williams, fils de Thomas Lucid, est né à Bolzano, a grandi au bord du lac d'Albano, près de chez Don Marco, le prêtre. Il vit à Genève depuis toujours. Il a fait carrière chez Dupont, où il était chimiste. Il est aujourd'hui à la retraite. Il porte petites lunettes à monture métallique, cheveux blancs, barbe bien taillée. Il est cordial et précis. Installé dans son salon, sur un grand canapé d'angle jaune, nous discutons nazis, espions et guerre froide. Enrica et Victor se sont connus enfants. Il avait 7 ans, elle 4. Leurs parents étaient germanophones dans une petite ville italienne et les deux familles étaient devenues amies. On a grandi ensemble. On allait se baigner dans le lac. On allait danser, etc. Et ce n'est qu'à l'âge de 19 ans que je me suis déclaré. Et elle a dit oui. Ils ont été mariés pendant plus de 50 ans. Quand avez-vous fait la connaissance de Carl ? Quand j'avais 7 ans. Il était comment ? Il était assez grand et... Et costaud. Il était chaleureux ou plutôt inquiétant ? Il n'était pas du tout chaleureux. Vers la fin de sa vie, Carl Haas a fait quelques rares allusions à son passé nazi. On savait qu'il aimait boire. Et après quelques verres, il se mettait à raconter des choses. En 1996, Carl Haas, après s'être caché, si on peut dire, à Genève, justement, avait enfin été identifié par la justice italienne et contraint de témoigner au procès d'Erich Priebke. Tous deux avaient participé au massacre des fosses ardéatines. Carl Haas avait reconnu devant sa fille, Enrica donc, et son gendre Victor, qui est devant moi, avoir personnellement exécuté deux civils à Rome ce matin de mars 43. It was a shock. Ça a été un choc. For both of us. Pour tous les deux. For both of us. But, mais more for Enrica. Surtout pour Enrica, comme vous imaginez. Évidemment. Je suis ici pour que Victor me parle de son beau-père, Carl Haas, qui a accueilli Otto Wächter au bord du lac d'Albano un week-end en juillet 49. Mais surtout pour parler de son père biologique, Thomas Lucide, l'Américain. La mère de Victor, Charlotte von Hiking, avait connu Thomas Lucide en 45 à Bolzano. Bolzano, où, en 1949, Otto et Charlotte Wächter s'étaient vus pour la dernière fois. Bolzano, cette station alpine magnifique du sud Tyrol, où la majorité de la population est germanophile, même s'il s'agit bien de l'Italie. Comme ma mère se débrouillait en anglais, en français et en italien, elle a été engagée par Thomas Lucide comme secrétaire. Comme secrétaire ? Oui. Thomas Lucide a une aventure avec sa secrétaire. Quand elle tombe enceinte, il la plaque. Il était marié avec une Américaine, Peggy, et ils étaient installés dans le New Jersey. Victor naît en mars 46. Did Carl know? Carl le savait. Yes. Oui. Yes. C'est intéressant, ça. Oh oui, il savait. Il m'avait dit un jour, je connaissais ton père. Ah bon? Oui. What did he say about this? Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Nothing. Rien. Juste qu'il le connaissait. Yes. Oui. Vous ne lui aviez pas demandé comment il était. Non. Pourquoi? Carl m'avait raconté qu'il était dans un camp en Autriche. Une sorte de camp d'entraînement où se trouvait aussi ce Thomas Lucide. Il ne m'a jamais dit que c'était son patron. Dans des documents déclassifiés de la CIA, nous avons découvert que Carl Haas avait été capturé par les Américains à Bolzano, justement, en novembre 1945. Celui qui avait dirigé son tout premier interrogatoire était Thomas Lucide. Avez-vous essayé de le retrouver ? Non. Enfin, de le retrouver, oui. Mais pas pour lui parler ou le voir. Le retrouver pour savoir ce qu'il était devenu. Victor s'était abonné au site de généalogie Ancestry.com. Et puis, j'ai lu un article dans le journal d'El Paso. qui disait qu'en en mars 1983, Thomas Lucide était décédé dans cette ville. Suivait une description de ses activités, un portrait de sa femme Peggy et de leurs 6 enfants, et de tout son travail au sein de la CIA. Vous avez pris contact avec ces 6 enfants ? Non. Ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Pensez-vous qu'ils connaissent votre existence ? Je ne crois pas. Son premier enfant est né à l'été 47. Tout juste un an après vous. L'aîné s'appelle aussi Thomas Lucide. Oui, oui. Il habite à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et nous sommes en contact. J'ai retrouvé Thomas Lucide Jr. il y a quelques mois. Quand j'ai pris contact avec lui, je lui ai expliqué que je travaillais sur les filières d'exfiltration d'anciens nazis et que j'étais tombé sur le nom de son père. Il n'avait pas eu l'air trop étonné par mon appel. Il était aimable et chaleureux et pensait que ce serait bien que j'aille le voir à Albuquerque, où il vit. Alors j'ai pris l'avion. And with that, ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard. American Airlines flight to Albuquerque, New Mexico today. Operated as American Eagle. Ladies and gentlemen, once again, welcome to Albuquerque. Hello, Tom. Hello, Tom. C'est Philippe. Bonjour, oui, ravi de vous entendre. On vient d'atterrir, on va descendre de l'avion. Je devrais être sorti d'ici quelques minutes, je vous attends. Tom m'est tout de suite sympathique. Dans la voiture, puis au restaurant, il me raconte qu'il a d'abord été militaire, puis prof d'anglais. Il est aussi historien amateur et, tout comme moi, il est fasciné par la guerre froide et les débuts des services de renseignement américains. Après le déjeuner, il a proposé à son frère Barney et à sa belle-sœur Charlene de nous retrouver chez lui. Ensemble, nous regardons des photos de leur père. Là, c'était à Saigon, avec Bill Colby et Alf Parra. Ils sont devant... Mais je le connais. Oui, Bill Colby, futur directeur de la CIA. Lequel est votre père ? Celui qui est derrière. Oui, avec l'étui à lunettes. Thomas Lucide, le père, était une figure des services secrets dans les années 50 et 60. Quand on rentrait aux États-Unis après des missions dans les années 50, c'était toujours par la mer, en paquebot. Pendant une traversée de l'Atlantique, le Shah d'Iran s'était trouvé à bord avec sa femme. Je me souviens avoir vu mon père discuter avec lui, près de la piscine, entre autres. Plus tard, mon père m'a raconté que le Shah l'avait remercié de l'aide de la CIA, qu'il avait aidé à remonter sur le trône en 1953. D'ailleurs, j'ai son autographe. Il m'avait pris sur ses genoux. Pendant la guerre, il est basé en Afrique du Nord, où il est promu rapidement et envoyé sur le front italien. C'est là qu'il se forge une solide réputation. Un soldat de la région contribue à l'arrestation de Madame Himmler, illustré d'une photo du lieutenant Thomas Lucide. C'est absolument fantastique. C'est une info de l'agence Associated Press, ça doit être en mai 45. Je lis l'article. Madame Himmler, sa fille de 15 ans, Gudrun, et sa sœur ont été arrêtées dimanche dans un chalet confortable à environ 25 km de Bolzano, dans le Tyrol italien, par des soldats de la 88e division d'infanterie américaine. Le détachement qui a découvert l'épouse et la fille de l'ancien chef de la Gestapo comptait le lieutenant Thomas Lucide de Jersey City, dans le New Jersey. Voilà Gudrun. Oui, c'est une photo de Gudrun Himmler que j'ai sous les yeux. Quel âge elle avait ? 15 ans ? Oui. Et au dos, on lit « La fille de Himmler, Gudrun ». PS, la photo la flatte énormément. Il avait le sens de l'humour, votre père. Oui. Au cours de l'arrestation, Thomas Lucide récupère plusieurs souvenirs, dont deux cartes de Noël d'Adolf Hitler appartenant à la famille Himmler. C'est franchement déroutant d'être assis dans cette cuisine à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, avec sous les yeux ces cartes de vœux portant la signature d'Hitler. En 1946, Lucide devient le chef du 430e détachement du Counter-Intelligence Corps, le CIC. Basé à Linz, en Autriche, il s'occupe du renseignement pour l'armée. Thomas Lucide, le père, est un espion de la guerre froide. As far as I know, all of the various detachments around Austria. Il me semble que tous les détachements qui travaillaient en Autriche menaient des opérations de contre-espionnage, c'est-à-dire des interrogatoires dans les camps de personnes déplacées. Il fallait faire le tri, trouver les nazis et les interroger. Très vite, la priorité n'a plus été de traduire les nazis en justice. À partir du moment où on a compris que l'armée rouge devenait une menace réelle, la priorité a été de trouver dans les camps de réfugiés les nazis qui pouvaient fournir des infos sur l'ordre de bataille des soviétiques, etc. Incroyable. Ça correspond exactement aux faits décrits par John le Carré. Il s'avère que Thomas Lucide était justement au cœur de ce réseau. Voici d'ailleurs une anecdote qui montre à quel point tout est imbriqué. C'est Thomas Lucide Jr. qui me l'a raconté. Quand son père est arrivé à Rome en 1944, il a demandé à rencontrer le pape, en vain. Deux ans plus tard, étonnamment, Pie XII avait reçu Thomas et sa femme Peggy en audience privée. Qu'est-ce qui avait changé? Eh bien, quand Thomas Lucide a monté le projet Los Angeles, il a non seulement recruté Karl Haas, mais aussi un certain nombre d'autres informateurs, parmi lesquels deux hauts fonctionnaires du Vatican. L'un était Monseigneur Udall, l'homme qui avait protégé Otto, et l'autre Monseigneur Fioretti, qui dirigeait le bureau de presse du Saint-Siège. Grâce à eux, le réseau organisé par Thomas Lucide avait des ramifications jusqu'au sommet du Vatican. Et donc, si on veut rencontrer le pape, il suffit de recruter comme espion son attaché de presse. En 1953, le contre-espionnage américain écarte Karl Haas, peut-être parce qu'il le soupçonne de travailler aussi pour les soviétiques. De son côté, Thomas Lucide le père lâche le projet Los Angeles et participe à la création de la CIA. How much was he around as a dad? Votre père était souvent là? Eh bien, je me souviens qu'il était à la maison tous les soirs. Pendant tout le temps où on était en Allemagne, dans les années 50, il rentrait toujours à la maison. J'avais 8 ans quand il m'a appris à faire un truc qui serait certainement interdit aujourd'hui. Dès qu'il arrivait à la maison, ma mère et lui avaient l'habitude de prendre un verre. Ils aimaient les old-fashioned, un cocktail à base de bourbon ou de whisky, d'eau pétillante, de zeste d'orange, de morceaux de fruits et un peu de sucre. Et il m'avait appris à le faire. Donc dès qu'il était à la maison, je leur préparais un verre à chacun. Et ensuite, il racontait sa journée à ma mère. Dans les années 60, Thomas Lucide apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Et en 72, il prend sa retraite anticipée et quitte la CIA. D'après ses fils, pendant toute leur jeunesse, leur père avait rarement parlé de son métier. De toute façon, il n'aurait pas pu. Et puis, dans les années 80, Tom Jr. décide de lui poser des questions sur son passé mystérieux. Vous a-t-il parlé des filières d'exfiltration de nazis? Il avait parfois évoqué ces filières d'exfiltration, mais sans vraiment entrer dans les détails. Et puis, dans les années 80, on a commencé à en entendre parler aux informations, en 83, je crois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions. Les journaux télévisés en parlaient de ces filières à cause de Klaus Barbie, qui en avait bénéficié. À l'étranger, le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, qui est réfugié en Bolivie depuis des années, aurait été arrêté aujourd'hui à La Paz. C'est en tout cas ce qu'a annoncé, voici moins d'une heure, une radio de la capitale. Je vous rappelle qu'une demande d'extradition avait été déposée par la France et l'Allemagne fédérale contre Klaus Barbie, qui avait obtenu la nationalité bolivienne en 1957. Klaus Barbie, officier SS qui dirigeait la Gestapo lyonnaise, était surnommé le boucher de Lyon. C'est lui qui, au deuxième étage de l'hôtel Terminus, le siège de la Gestapo à Lyon, a torturé le chef de la résistance française, Jean Moulin. La guerre terminée, Klaus Barbie est recherché pour crime de guerre. Et pourtant, le contre-espionnage américain, le CIC, qui deviendra la CIA, le recrute. Plutôt que de le livrer à la justice française, les Américains préfèrent l'exfiltrer. L'ancien SS gagne la Bolivie. Au service des dictateurs, il devient un conseiller militaire écouté, mais également un vendeur d'armes hors pair pour le compte des Allemands de l'Ouest avec lesquels Thomas Lucide travaille. Une ascension fulgurante qui ne prendra fin qu'après l'élection d'un président bolivien de gauche en 83. À peu près au même moment, mon père a reçu une lettre de Langley, le QG de la CIA. Comme c'était passé aux infos, on le prévenait que certaines personnes viendraient peut-être l'interroger. On lui donnait le nom de ses interrogateurs et on lui demandait de coopérer et de dire absolument tout ce qu'il savait sur les filières d'exfiltration. Mais à partir de là, il s'est fermé comme une huître. Je n'ai pas réussi à lui soutirer la moindre information. Et j'ai dû mettre mon projet entre parenthèses. Et puis en mai 1985, il est mort. La fameuse lettre informait Thomas Lucide que deux agents allaient venir l'interroger sur les filières d'exfiltration dans le cadre d'une enquête du gouvernement américain destinée à établir si et comment les agences de renseignement des États-Unis avaient collaboré avec d'anciens nazis. Thomas Lucide était effectivement bien placé pour leur répondre. Il avait recruté un autre officier SS. Après le projet Los Angeles, il avait monté d'autres opérations de contre-espionnage, le projet Montgomery et le projet Mount Vernon, qui étaient censés fournir des informations sur la Hongrie d'une part et sur la zone d'occupation soviétique en Autriche. Est-ce que Thomas Lucide avait mené une enquête approfondie sur chacune de ces recrues nazies? C'est le principe d'un service de renseignement de savoir qui sont ces informateurs. Le fait est que Thomas Lucide engage après la guerre tout un tas d'anciens nazis, y compris Klaus Barbie et Karl Haas. Tous ont été blanchis. Comme dirait John le Carré, c'était parce que Persil lave plus blanc. Mais reprenons le fil de notre histoire. D'après Mgr Houdal, Otto Wächter, sur son lit de mort, avait accusé un camarade allemand qui travaillait pour les Américains de l'avoir empoisonné. Mais il ne l'a pas nommé. Nous savons donc trois choses. Premièrement, si ce camarade allemand existe, c'est Karl Haas. Deuxièmement, Karl Haas travaillait pour Thomas Lucide, l'espion américain qu'il avait recruté. Et troisièmement, la fille de Haas, Henrika, a épousé le fils illégitime de Thomas Lucide, Victor. C'est ce que je suis en train d'expliquer aux deux fils de Thomas Lucide, Tom Junior et Barney. Et oui, c'est compliqué. Ça va, ça y est. Quand je lui ai dit « Comment ça, Thomas Lucide ?», il m'a répondu « Oui ». Et j'ai fait « Wow! Si c'est vrai, j'ai un frère. Au fait, un seul? Un demi-frère. Oh, demi-frère, frère, peu importe, continuez. Elle était la secrétaire de Thomas Lucide. C'est Thomas Lucide, d'après lui. J'ai une photo de votre demi-frère. Qu'est-ce qu'il ressemble à Tom? Mais c'est fou! Il te ressemble. Ça me fait prendre conscience de la chance que j'ai eue, qu'on a eue. Moi, mon père a juste couché avec sa secrétaire, mais tous ces gens, Horst, Enrica, ont eu un père qui a assassiné des millions de gens, ou des centaines de milliers, ou 330. Tu vois? Thomas Lucide avait-il recruté d'autres agents parmi les nazis? Connaissait-il le passé de Karl Haas? Quelle relation les deux hommes entretenaient-ils vraiment? En attendant, les secrets et le déni sont omniprésents dans ces histoires. Or, les secrets ou les péchés des pères continuent de hanter leurs enfants des décennies plus tard. Tom, Victor, Enrica et bien sûr Horst. Dans le dernier épisode de la filière, je retourne voir Horst au château de Hagenberg pour une ultime révélation. C'était La filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Victor Williams à Genève, voix française Xavier Brossard. Thomas et Barney Lucide à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Voix française, Renaud Bertin et Aurélien Ozinski. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.